C'est bon, moi je suis prêt. C'est Saint-Joseph. Le flow en téflon, deux os pour baiser le game, pécho le zéo. Fumer des buzz dans un coin cosy, serrer deux trois cousines dans les bulles d'un jacuzzi. Fuck ça mec, j'ai ça pas le temps, il est busy. MVP chaque saison, MC t'es lésé. Les harmonies les ont, j'ai de dangereuses liaisons. Assorti comme un mésé, l'industrie veut faire un bisou. Mais moi je veux la baiser. S'il y a un DA qui veut du bling bling, il a enculé d'autres peurs à mon rap, c'est du sing sing. La rime crampon, cousin, le tacle à la massine. Saute tout fais toi, saute et bouffe le dolé par la racine. Original comme mes origines, frangine, l'osier, j'l'usine. Ma bouche a le débit d'un Uzi. Les faux dans ma visée comme les faisans devant un fusil. Maintenant j'vends la phase au prix d'un meuf de CC. Quand l'équipe m'embauche, c'est qu'elle veut tout défourailler. Tu sens que le mic chauffe, le beat est enfouraillé. J'ai ma chose par la crosse, il est trop tard pour tailler. J'suis chez Def tout Def, venu pour tout défourailler. Quand l'équipe m'embauche, c'est qu'elle veut tout défourailler. Tu sens que le mic chauffe, le beat est enfouraillé. J'ai ma chose par la crosse, il est trop tard pour tailler. J'suis chez Def tout Def, venu pour tout défourailler. On a la rage dans nos ventres vides, faut payé vite, vive comme les balles qu'on évite dans la ville. En attendant que la vie nous invite à la fête, on fait sa fête à la vie. Fuck les avis de ceux qui vivent pas nos vies. On a en commun tous le même vœu. Depuis Morveux, on sait ce qu'on veut. Être riche et jeune et pas pauvre et vieux. Donc on évolue comme des ombres épaulées par nos airs. Qu'un ça part en couille, nique sa mère. Mon index est complètement dingue, mec. Je raconte ma vie, t'as l'impression d'entendre la tienne. C'est qu'il y a un de nous deux qui ment et mon Glock va dire lequel. La vie un guap, ma mère. Nos cœurs sont rance comme un grec à client court. Alors nique sa mère la France. Je tire les autres cours, jamais à court. Tous demandent à me secours. Couille, si c'est MC casse-couille, casse-couille qui fracasse tout le temps d'un couplet coupe-coupe. Quand une équipe m'embauche, c'est qu'elle veut tout défourailler. Tu sens que le mic chauffe, le beat est enfouraillé. J'ai ma chose par la crosse, il est trop tard pour tailler. J'suis chez Def tout Def, venu pour tout défourailler. Quand une équipe m'embauche, c'est qu'elle veut tout défourailler. Tu sens que le mic chauffe, le beat est enfouraillé. J'ai ma chose par la crosse, il est trop tard pour tailler. J'suis chez Def tout Def, venu pour tout défourailler, mec. J'échange des histoires de guerre avec mes camarades. La bouche collée au goulot d'une Guinness en écoutant Charade. C'est 21 Renault associé à 21 A, affilié à 21 équipes de barge. De comme Kana Gage, mes soldats tous en marche du monde. Quand on marche, on ramène et on marche du monde. Du on surclasse le game et on braque le monde, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Quand une équipe m'embauche, c'est qu'elle veut tout défourailler. Tu sens que le mic chauffe, le beat est enfouraillé. J'ai ma chose par la crosse, il est trop tard pour tailler. J'suis chez Def tout Def, venu pour tout défourailler. Quand une équipe m'embauche, c'est qu'elle veut tout défourailler. Tu sens que le mic chauffe, le beat est enfouraillé. J'ai ma chose par la crosse, il est trop tard pour tailler. J'suis chez Def tout Def, venu pour tout défourailler, mec. Ouais, mec, on prend mes propres gamme ice. Yeah, on prend mes propres gamme ice. Comme mes propres gars me trahissent. Yeah. Saint-Joseph.